Donc, le sujet que je traite, là, comment rencontrer la bonne personne, il y en a, je pense, quelques-uns parmi vous que j'ai reconnus. Ils doivent. On va essayer de faire différent. Je pense que je t'ai déjà vu, hein? C'est une autre conférence. Fait que, trois fois, là, c'est parce que tu te souviens pas des trucs. Et ça, moi non plus, d'ailleurs, j'ai pas rencontré depuis ce temps-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de rencontrer les gens, on parle de créer une amorce avec des personnes, dans le but, évidemment, de stabiliser l'échange et donner à ce dialogue, à l'échange qu'on a, une possibilité de donner une certaine permanence. Bon. Disons qu'en général, les gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on évalue, souvent. Il y en a qui font pas ça, évidemment, tu sais, c'est pas gentil, du jugement. Mais il reste quand même que par nature, les gens ont tendance à s'évaluer, un par rapport à l'autre. Je bouge beaucoup au début, là, puis je me fixe à un moment donné. Ça, c'est comme quand on rencontre les gens. On bouge beaucoup, on danse, puis on fait toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, les gens se fixent. C'est là que ça se gâte. Dans le développement d'une rencontre, faut faire l'autopsie d'une rencontre. On arrive avec notre petit paquet de ressources, de qualités. On arrive avec notre petit paquet de gêne et de timidité. Et puis vous êtes pas jeune, jeune, jeune, là. C'est pas 15 ans et moins, là. Avec notre petit paquet de mémoire qu'on a accumulé entre 15 et 30 ans US. Et on a une tension qui vient souvent de savoir si la personne va reconnaître nos qualités. Et puis si, dans ce qu'il va reconnaître comme qualité, il est intéressé à faire un échange et à donner évidemment une suite à l'échange en question. Et puis quand les personnes évidemment sont placées avec une certaine timidité à se mettre en échange avec les gens dans une rencontre, ben la timidité c'est, y vois-tu que je suis gêné? Ça a-tu de l'air gêné ce que je fais ou quoi que ce soit? Et puis là, ben, on spot le rejet, là, tu sais. C'est comme si on se disait, la relation que j'ai là, là, si la personne me rejette, je la flush. Je la tofferai pas. Puis l'autre pense la même affaire. Fait que vous êtes intérêt miné, là, tout de suite en commençant. C'est à moins d'avoir un sex appeal, là. Mais vraiment, là, à la John Travolta pour les gars, puis les femmes, il y en a tellement des cute, là. Choisissez celui que vous voulez, celle que vous voulez. Mais ça reste que la confiance en soi qu'on a, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le phénomène de permanence. Parce qu'on est capable de supporter le rejet qu'on peut avoir à vivre avec les gens. Bon, quand on dit rejet, on dit sentiment très désagréable de ne pas être accepté dans nos qualités et puis dans notre présentation. Et puis dans ce sentiment d'avoir quelque chose à apporter à l'autre qui n'est pas nécessairement reçu spontanément. Si vous me demanderiez qu'est-ce qui est le plus important dans un échange, surtout quand on se rencontre, c'est la spontanéité. Les gens qui ne sont pas spontanés, ils perdent à peu près 90% des chances de faire bonne impression. Puis le 10% qui reste pour faire bonne impression, c'est d'être capable d'encaisser le coup du es-tu marié? As-tu de l'argent? Es-tu autonome? Es-tu ci? Es-tu ça? Tu sais, quand tu passes moi j'appelle ça le checklist, là. Ben, quand tu passes le checklist, l'autre 10%, c'est d'être capable de prendre le coup négatif, la charge négative de la rencontre, qui est la zone d'évaluation. Parce que tout le monde se fait évaluer, ça c'est évident. Les gens ont de l'ego, puis de l'ego, ben, des fois c'est de l'ego, et puis ça donne une sensation très désagréable d'être dans une atmosphère de gestapo, là, tu sais. Une interview assez. Des fois, il y en a qui sont subtils, mais il y en a qui sont réellement gros gens par devant. Ça frappe fort, là, tu sais. Bon, fait que c'est sûr que si la spontanéité peut neutraliser en grande partie le caractère soupçonneux de la mémoire, parce que les gens, comme je vous l'ai dit, vous avez toute une mémoire qui est tantôt positive, puis est tantôt négative. En général, si vous êtes seul à 30, 35, 40 ans montant, c'est parce que vous avez une mémoire négative. Il y a quelque chose qui s'est pas passé avant d'arriver à cet âge-là. Et puis, cette mémoire négative-là, c'est ce qui pèse contre votre rencontre. C'est ce qui enclenche dans un sens cette sensation que vous jouez à roulette quand vous rentrez dans un échange. L'autre phénomène, qui est en dehors des 90-10%, la spontanéité étant le 90%, parce que les gens populaires dans une... vous allez sur les planchers de danse ou n'importe quoi, vous allez dans des zones de rencontre, vous allez remarquer que vous êtes attiré vers les gens qui sont spontanés. Si vous jouez la carte de la spontanéité, là, si vous pratiquez-vous chez vous, devant le miroir, vous dites « Salut! Comment ça va? » Ça... Vous vous entraînez comme ça, puis vous rencontrez quelqu'un, faites-les pas aussi fort que ça, vraiment. Pas de micro, ça aide. Et puis vous allez avoir des présentations qui vont être plus dynamiques. Puis une personne qui a un premier bon effet dans les 5 premières minutes, retiens ça, toi, là. Sans doute, tu vas revenir une quatrième fois. Et puis, si vous avez une bonne présentation dans les 5 premières minutes, ben là, je vous dis pas que vous allez vous marier, mais je vous dirais que vous avez une bonne chance de passer une bonne soirée. Ce qui est un bon départ. Mais si vous n'êtes pas spontané, puis que vous êtes assis sur votre chaise, là, puis vous checkez tout le monde, ils vont dire, c'est quoi ce gros-là là, dans le coin? C'est un bodyguard pour le club, ça, là? Ça va donner une impression de surveillance, puis les gens n'aiment pas ça se sentir évalué. Pas en commençant. Avec le temps, peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui s'amorce, c'est normal. Mais c'est comme vendre une auto. Faut que la peinture soit pas pire, tu sais. Faut que si tu mets la clé dedans, puis tu le pars, surtout quand tu fais frette, comme moins 15, moins 16, ça part. Donc, c'est spontané. Wow! Un bon Nissan, là. Et puis, quelque chose qui part mal, ça donne une mauvaise impression. Seriez-vous capable, vous autres, d'acheter une auto là, que vous allez chez un dealer, H. Grégoire, là, puis il ne part pas? Il aura beau donner des bons prix, c'est comme, j'ai pas un bon feeling. Tu sais. Bon, mais cet élément de spontanéité-là, c'est à développer. L'autre phénomène, comme je vous ai dit, c'est qu'une fois que la présentation semble se créer d'une façon positive, il faut absolument que ce que vous allez évaluer, ça ne fasse pas sentir de rejet. Ça, c'est un petit 10%-là, là. C'est ce qui fait que tu closes ou tu closes pas. Là. Et quand une personne arrive avec son gros bagage de mémoire, essayez de vous asseoir la première soirée puis rien raconter de votre passé. Rien. C'est quelque chose, là. Parce que le monde n'a plus rien à dire hein, quand il n'est plus question de parler de leur mémoire. Demandez-leur le signe astrologique. Faites-leur parler de vos projets futurs de voyage en République dominicaine ou Cuba. Parlez de quelque chose qui s'en vient, mais parlez pas du passé. Premièrement, ça donne une petite vague de mystère. Puis le mystère en question, il n'est pas mauvais. Si quelqu'un n'est pas capable de stander votre mystère, il ne sera pas capable de vous stander dans la vie privée. T'sais, parce que dans la vie privée, il va en avoir bien des mystères. As-tu sorti les poubelles? Ça, c'est un mystère. Où c'était? T'es pas venu souper? Ben, je travaillais. Moi, ils me disent tout ça. C'est des mystères. Puis vous vous trouvez avec beaucoup de choses. Tu te sens-tu malade? C'est un mystère. La personne ne le sait pas. Elle file drôle, mais c'est pas nécessairement malade. Fait que si vous êtes capable de composer avec un certain mystère a priori, ça vous donne aussi la chance de voir comment une personne vit dans le vide. Ça a de l'air niaiseux, là, mais le vide, c'est pas sécurisant. Puis il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacité de faire face à l'insécurité pour vivre avec quelqu'un. T'sais, y a-t-il quelqu'un qui est capable de dire, moi, je le marie, celui-là, ou, on lâche le mariage, là, je le fréquente, celui-là, et puis dire, ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Il n'y a personne qui, à moins d'être astrologue, évidemment. Puis encore, je voudrais voir l'astrologue qui est capable de dater une relation. Ça serait drôle à voir ça. C'est pas datable. T'es pas capable de donner une date à un départ arrêt. C'est impossible. Tu rentres dans une relation, puis tu te lances dans le vide. Donc, si une personne est capable de vivre avec le mystère de la relation, ce qui se passe, c'est juste les atomes crochus. Les atomes crochus, c'est « Ouais, je le sens bien, ce gars-là. Là. J'ai un feeling. Je le sens bien, cette femme-là. » C'est un feeling. Puis là, ça carbure au feeling. Là, la femme est en, ils se sont aérés en plus, c'est son avantage parce qu'elle a plus d'intuition qu'un homme. Et puis, le gars, il parle pas de ses gros chars, ses capes de roue, ses moteurs montés. Il parle pas de ses anciennes aventures puis de ses ex. Ça, c'est l'erreur fatale, ça. Un gars qui commence à parler de ses ex, il est déjà canné, prêt à vendre chez Stanberg ou Walmart plutôt, parce que hey, Stanberg, là, ça fait longtemps. Et puis là, ben, à ce moment-là, la situation de la relation, en étant capable de se lancer dans un certain vide, ben, ce qu'on sent, c'est que tout est à venir en construction. Puis en général, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pour construire quelque chose. C'est pas juste payer tes comptes que t'as pas payé il y a 3 mois, là. Puis tu te dis, ben, si on est tous les deux ensemble, on paye la moitié du loyer, la moitié des comptes, la moitié de ci, la moitié de ça. Ça fait une mauvaise approche. Mais disons, il y a peut-être du monde qui aime ça, mais moi, je trouve pas ça sentimental. Tu sais, ça manque de romantisme, disons. Tandis que si dans le vide, ben là, la personne, elle, si elle supporte le vide de pas savoir que, je parle de la première soirée, de la première journée, là, puis même, si vous êtes tough, la première semaine, puis être capable de stander ça, ça va vous donner l'autorité de vous lancer dans un projet. Dire, hey, ça te tenterait-tu d'aller au cinéma? Tenterais-tu d'aller, tu sais, aller à quelque part, là. Faire quelque chose. Pas commencer à faire de la thérapie, s'asseoir dans un restaurant, là, puis se dégobiller, puis près une heure de mémoire chaque, là. Ça, c'est killers. Je l'ai dit parce que les gens tombent dans des échanges qui sont tout le temps sur une base d'évaluation psychologique, puis ça fait mourir la relation parce que tu peux pas supporter de te faire critiquer. C'est pas dit, c'est pensé, mais ça se sent. Ça se sent. Les gens sont wise. Ça donne une sensation que, bon, moi je vis ça, lui a vu ça, donc... Puis là, il y a des interprétations. Si lui vit ça, moi je vis ça, mais ça veut dire qu'on marche pas ensemble. Qu'est-ce que t'en sais? Laisse donc. Ce que tu as vécu dans ton passé, tu l'as vécu parce que tu avais de l'inconscience, tu avais un manque d'expérience, tu avais une sensation que la vie devait aller comme ça, puis t'as fait un essai, puis oups, t'as appris que c'était pas ça qu'il fallait que tu fasses. Puis là, t'as la chance de corriger. Parce que techniquement, une nouvelle relation dans vos vies, c'est toujours une occasion de corriger quelque chose qui a été... déraper ou manquer dans un passé quelconque. Tu es avec quelqu'un, tu écoute, t'as 17-18 ans, tu rencontres quelqu'un, tu te dis, bon, ben ça, c'est la femme de ma vie. Hey, qu'est-ce que tu en sais de ta vie? Vis-la donc avant de pouvoir penser que c'est ta femme de ta vie. Puis là, tu rentres dans la relation, puis tu découvres que, whoop, l'autre, à 25 ans, 30 ans, a le goût de vivre ça. Tu te dis, t'as pas su le contrat, ça, quand on s'est rencontrés. Puis toi aussi, t'as des goûts de faire telle affaire. Puis elle dit, ouais, c'est le fun ce que tu vis, là, mais j'aimerais ça que tu changes, là, tu sais, genre. Mais tu te rends compte, tu fais des erreurs, puis quand tu fais le bilan de tes erreurs, là, t'en as fait, là, réellement pour écœurer 40 femmes de même, mais tu t'en rends compte après le divorce, tu sais, tu te rends compte que, bon, tu l'as écœuré d'aplomb, puis qu'il aurait fallu que tu fasses ci, tu fasses ça. Bon, tu dis, avec la deuxième, je vais corriger mes erreurs. Avec la deuxième, mais tu corriges les erreurs avec la première, mais et pas la première. Fait que... Elle va dire, t'as rien à corriger. Moi, tu sais, j'avais fini le motocross dans ce temps-là. Fait que, elle dit, elle était pas tolérante, cette femme-là. Mais je te laisse faire. Moi, tant mieux, c'est une traque. Mais tu vas voir ça avec le briquet là-dessus. C'est un départ avec 100 bicycles. Comment tu te sens? Les décibels sont assez élevés. Merci. Même moi, dans le cas, j'en ai plein mes bottes. J'ai de la misère à shifter parce que je sais pas si c'est mon bicycle ou le bicycle du voisin tellement qu'il y a du bruit. Fait que, tout ça pour dire que on passe notre vie à corriger nos comportements, puis à demander à l'autre de se corriger dans ses comportements pour que la relation s'ajuste, puis s'harmonise, puis donne un équilibre. Donc, tout le monde est correct. Ça, c'est bien important, cette affaire-là. C'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas des défauts. Vous êtes correct. L'autre va vous trouver des défauts. Fait que vous n'avez pas besoin de vous en trouver. En partant, là, tu sais. Fait que moi, j'arrive avec quelqu'un, je dis, écoute, j'ai pas de défaut. Puis si tu m'en trouves, ça, c'est si tu m'en trouves, je vais faire un effort. Fait que là, elle me dit, t'es trop gros. Ah, ben ça, c'est un projet de vie pour moi, maigrir. Je pense à ça tous les jours quand je me lève. C'est tellement pesant, j'ai toujours l'impression qu'il me faut un petit lift pour me sortir du lit. Fait que tu vois, il n'y a pas de problème. T'avais juste à le demander. T'es mal habillé. C'est encore un projet de vie. C'est temporaire. J'attendais d'avoir une femme m'habiller comme il faut, parce que je veux m'habiller à son goût. Hein? C'est fin, ça, là. Tu t'habilles neutre, là, tu sais, comme ça. Là. Ça, c'est neutre. C'est gris-vert, là, tu sais. Puis là, l'affaire arrive, tu t'es mal habillé. Ben, c'est une occasion d'aller magasiner. Puis tu me diras, qu'est-ce que t'aimes? Fais attention avec le rouge, j'aime pas ça trop, trop. T'as pas de défaut, l'autre t'en trouve. Bien important, ce point-là. Parce qu'il y a bien du monde qui sont gênés parce qu'ils arrivent, c'est un plancher de danse avec des défauts. Mais si l'autre te dit, tu sais pas danser, tu dis, ah, tu sais-tu, toi? Elle dit, oui, mieux que toi. C'est déjà une amélioration parce que tu vas améliorer ma vie aujourd'hui. C'est fantastique. Vous n'avez pas de défaut, vous en trouvez une, puis vous êtes toujours willing de corriger. Ça, c'est sting positive. Puis la relation, à ce moment-là, se donne une chance d'avancer. C'est bien important, le phénomène de la construction. Vous rencontrez toujours une personne pour une raison. Moi, la première, c'était pour me supporter dans l'action. La deuxième, c'était pour me supporter dans la régénération. Puis la troisième, c'était pour faire la synthèse des deux premiers. Là, vous allez dire, que c'est quoi le prochain? Bien, le prochain, je sais pas, là. J'attends d'être assez vieux pour être trop électrique. Ça va probablement aider. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous rencontrez toujours quelqu'un pour une raison. Ça, c'est important. J'ai par principe de considérer qu'une personne, c'est un événement. Vous rencontrez une personne dans votre vie pour vous faire vivre des affaires que vous n'avez pas réglées avec votre mère, votre père, votre famille. Bon, ça, c'est inévitable, ça, là. Ça fait partie de votre karma, de votre programmation. Puis c'est nécessaire, quand vous êtes dans un échange avec une personne, de voir vraiment qu'est-ce qu'elle vous emmène comme message. C'est comme si chaque être humain sur la planète vous emmène une lettre. C'est comme si chaque être humain sur la planète vous emmène une lettre à lire. Puis il y a des gens qui sont plus importants que d'autres. Toute personne qu'on a dans notre vie qui augmente notre sécurité, tout ce qui nous permet d'être plus en force, d'avoir plus de certitude, même si la personne est négative dans notre vie, tu sais, qu'elle nous oppose, c'est toujours bon. Une personne qui est là pour... Il y en a qui sont venus au monde pour nous casser les pieds. Et puis, ils font très bien, d'ailleurs. Ils ont le taux. Et puis, ces gens-là, ben, ils développent en nous une puissance, un impact, une élimination du doute qui assaille littéralement tout le monde. Et puis, pour éliminer le doute, ben, il faut pas que vous ayez quelqu'un qui est toujours d'accord avec vous. Il faut quelque chose qui vous affronte un petit peu. Bon, fait que si tout le monde que vous rencontrez qui a une certaine valeur dans votre vie, dans le sens qu'ils sont soit des oppositions créatives ou des gens qui renforcissent votre appréciation personnelle, ben c'est évident qu'il y a une construction à faire dans une expérience ou dans un événement quelconque. C'est pour ça que je dis, si je rencontre quelqu'un, c'est bien important de comprendre que c'est un événement dans votre vie. Puis que cette personne-là qui est un événement, ben c'est sûr qu'elle a une personnalité, une famille qui l'a éduqué d'une certaine façon, alors des projets d'avenir qui sont X expérience, et puis qu'elle va vous communiquer ses états d'âme à travers son propre expérience personnelle, puis elle va demander de mêler votre volonté, votre contenance des événements futurs avec la sienne. Si vous refusez l'événement, ça ne veut pas dire que l'événement ne se représentera pas. Puis quand je dis « si vous refusez l'événement », j'entends que si vous refusez la personne qui vous amène la petite lettre à lire, qui a un petit message à vous envoyer, si vous le refusez, il y a une autre personne qui va vous le représenter, parce que vous devez lire la fameuse lettre en question. La lettre étant un symbole, là, c'est évident, là, parce que là, si le monde cherche le facteur demain. Fait que si une personne est un événement, ça veut dire que quand vous êtes en contact avec, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'elle va vous donner comme message, parce que souvent, en général, les gens se connaissent pas bien. Tu sais, on vit notre vie, là, puis si on est capable de payer nos comptes, manger, puis dormir, puis travailler, puis trouver un job quand il y en a qui n'ont pas. Bien, en général, on vit cette vie-là, puis c'est comme on attend pour mourir, puis on souhaite de pas être malade. C'est plus profond que ça, la vie. Il y a une psychologie, tu sais, à aller chercher. Puis la psychologie, c'est comprendre l'échange, comprendre pourquoi on est obligé de se mettre en interaction avec les gens. Il y en a que, bon, c'est sûr que c'est les instincts. L'instinct, ça peut être les passions profondes, le sexe. Il y en a d'autres que c'est carrément l'appât du gain, l'argent, la finance qui travaille jour et nuit. Il y en a qui sont workaholics, fait qu'il faut qu'ils travaillent tout le temps, sont pas capables de s'arrêter. Il y en a des moineaux dans mon genre qui passent une partie de leur vie à vouloir sauver le monde, puis qui se rendent compte que le monde se sauve tout seul ou se sauve de lui. Et puis... ça devient comme une situation où on doit régler nos obsessions. Fait que tout le monde, hommes et femmes, on a toutes une sorte d'obsession de vivre selon des critères, des paramètres de vie qui sont en fonction de nos capacités puis de nos manques. Nos capacités nous font vivre une certaine forme d'optimisme, puis nos manques nous font vivre une sorte de désir d'évoluer. Pour certains, j'entends, parce que c'est pas pour tout le monde, mais un désir d'améliorer sa vie, du moins sur le plan social, dans les échanges, puis c'est sûr au niveau financier, puis au niveau des rapports d'affectivité, puis d'enveloppe personnelle. Donc, il y a quelqu'un qui se présente à vous, il est disposé, mettons, on va dire positivement, à étudier la relation dans un pouvoir d'action commune, dans un pouvoir de projeter des bonnes idées pour améliorer de part et d'autre. Ça mérite une affaire bien importante, de l'écoute. Les gens qui se plantent dans une relation n'écoutent pas l'autre. Bon, c'est quoi ça, pas écouter l'autre? C'est avoir peur de changer. Puis, c'est plate à dire, mais passé un certain âge, on commence à être crouton un peu, et puis on fixe. On dit, ah, la vie, c'est comme ça. Puis là, ben, tu crampes, tu le dis. Tu dis, ah, elle pense de même, lui, il pense de même, il n'y a rien à faire avec. Ça bouge pas. Ça veut pas essayer d'autre chose. Quand tu es jeune, tu essayes des affaires. Puis tu devrais rester jeune jusqu'à 100 ans. Tu essayes des affaires. Faut toujours que tu essayes des affaires. Puis les gens qui ont de la misère à essayer quelque chose de nouveau, c'est bien difficile à penser qu'ils peuvent éventuellement stabiliser une rencontre si l'autre est obligé d'endurer quelque chose qu'il veut pas changer. Si tu n'es pas capable de faire confiance, t'es fait. Il y a plein de femmes qui disent à leur mari, « Hey, si tu as une promotion, tu devrais dire ça à ton boss. » Il n'écoute pas. Son génie, c'est sur ma femme. « Qu'est-ce que tu as dans ma job? C'est moi qui le sais. Voyons donc. » Puis là, elle avait raison. Oups, là, ça vient de shaker son arbre. Là. Puis là, une semaine, un mois, deux mois après, « Tu devrais faire ça. Voyons donc. » Puis voyons donc. Puis à un moment donné, voyons donc. La femme a dit pas un mot. T'écoutes pas. Elle dit, moi, les fort. Tu sais, fait que la structure de l'écoute, c'est toujours l'affaire d'avoir raison. Quelqu'un qui sort pas de sa raison, c'est un dinosaure, il fige. Mais quelqu'un qui sort de sa raison, puis dit, bon, toi, t'as une spécialité, je t'écoute. J'ai appris quelque chose. Mais faut que tu sois ouvert. Fait que vous rentrez d'une rencontre, puis il y a un événement, la personne va vous placer dans des rapports nouveaux, puis il faut que vous soyez ouvert à la nouveauté et non pas à la stabilité fixée, cristallisée. Il faut que vous ayez quelque chose de nouveau et puis que vous soyez assez intelligent pour favoriser à cet échange-là une dynamique qui favorise les deux parties. Vous, il ne faut pas que ça vous frustre de rentrer dans la relation, à faire de l'adaptation. Puis il faut que l'autre, il trouve un plaisir certain à vous tourner, tu sais. Fait que quand vous rencontrez quelqu'un, même si c'est juste des amis, puis que vous êtes ouvert à ce qui influence votre vie, mais pas trop, qu'il y en a que c'est carrément, ils vont décider votre vie à votre place, il faut pas charrier. Il faut que vous ayez assez de force pour pas trop vous laisser prendre en charge. Mais prendre des suggestions qui vont améliorer votre dynamique, là, à ce moment-là, vous avez le mental qu'il faut pour créer un échange qui est constructif à long terme. C'est quoi du long terme? Du long terme, c'est une volonté réveillée. Quand je dis réveillée, c'est-à-dire qu'il est toujours apte à s'adapter à des transformations pour toujours se garder dynamique dans ses rapports avec les autres. En d'autres termes, impossible de garder une relation qui est statique. Et si vous avez des rapports dynamiques avec les gens, ça veut dire que vous allez toujours chercher à vous améliorer avec eux autres, à vous servir d'eux autres pour vous améliorer, puis à laisser l'autre se servir de vous pour s'améliorer, puis donner aussi à l'autre une crédibilité pour qu'il ait toujours confiance dans ce qu'il vous affirme. Il y a un temps là dans une relation, quand tu te développes avec quelqu'un, où l'autre veut se faire les dents sur votre viande à vous. Puis là, c'est comme, il faut être capable de composer avec le fait que pour que l'autre se donne de la confiance, il faut qu'il vous challenge un petit peu. Moi, c'est comme ça que j'ai sauté ma première relation. J'ai pas accepté ça, que l'autre me challenge. J'ai dit, t'es bien smart, je suis bien smart, on est trop smart pour rester ensemble. Fait que ça serait smart qu'on se sépare. Elle était bien d'accord. Puis des fois, on se rend compte, puis on fait attention pour ne pas être trop smart, là, hein. Puis elle dit, ouais, c'est correct. Puis des fois, on a besoin d'un arbitre parce qu'on se repogne encore. Fait que, pendant un certain temps, la relation, la survie nous obligeait tellement à se battre vers l'extérieur que le combat, il n'était pas entre les deux, il était vers l'extérieur. Mais il arrive un stage, des fois, là, que dans un rapport de couple, le combat, il se fait à l'intérieur. Puis t'as beau avoir de l'écoute pour l'autre, puis l'autre de l'écoute pour toi. Il y a comme un challenge qui veut toujours installer un rapport de dominant-dominé. Puis ça, c'est dangereux. Ça vous fait sauter une relation, c'est pas trop long. Bon, est-ce que vous pouvez le voir au début? Parce qu'on vient toujours à comment rencontrer la bonne personne. C'est ça? La bonne ou une bonne personne? En tout cas, la bonne ou la mauvaise, mais c'est bien important le comment on rencontre. Puis la lecture de quelque chose à trouble à long terme, c'est le rapport de force. Où est-ce qu'ils s'installent les rapports de force dans un rapport de rencontre? Ils s'installent dans la capacité de mettre en mouvement une direction. Il y en a toujours un qui, on dirait, qui est un petit peu plus fort à dire « Hey, on fait ça. » Puis l'autre qui va suivre. Celui qui suit, il n'aime pas se sentir suiveux. OK? On allume là-dessus. Il y a du monde qui ont l'air à se faire prendre en charge. Mais c'est juste un front, ça, là. C'est pas réel. Donc, il s'enligne sur la direction de l'autre, puis c'est un peu comme pour dire, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis là, quand il semble que l'autre est réellement engagé dans l'action, là, il dit, c'est à mon tour. Mais souvent, quand une personne part une direction, c'est elle qu'il faut qu'il lead le mouvement jusqu'à la fin. Du mouvement. Puis l'autre, il vient casser ça, parce que là, il veut s'en mêler, ça devient délicat. Fait que généralement, moi, quand je rencontre des gens comme ça, là, qu'on lance une conversation, et puis que je me fais couper en plein milieu d'une explication, j'ai tendance à me lever et à sacrer mon gant. Par contre, si la personne est capable de vous écouter sur votre lancée, sur votre dynamique, vous commencez à parler, vous affirmez, puis elle vous laisse aller jusqu'au bout. Puis là, rendu au bout, là, c'est à votre tour. Puis là, elle repasse son lit d'elle. Ça, c'est très bon. Parce que la personne a de l'écoute. Elle ne fait pas juste attendre que vous ayez fini de parler. Elle est capable d'écouter. Ça, là, ça remplace le sexe. Il y en a qui vont dire, ouais, là, écoute, bonhomme, là. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vécu, hein. C'est... Non, je vous le dis, là. Tu as des problèmes avec la sexualité à un niveau quelconque. Tu as de la communication. Si vous pensez que les petits vieux à 60, à 80, ils vivent, tu sais. Ils sont pas dans la libido, ils sont dans l'affaire d'être bien ensemble. Puis l'énergie, là, ce que vous appelez être bien à deux, là, la fameuse chimie qu'on entend tant parler, ça se vit, ça, dans la communication. Après ça, que ça descende dans la forme, dépenser de l'argent, mêler les comptes ensemble, puis faire des projets, puis vivre de la grosse passion, là, dans le temps que ça peut durer, c'est toujours la communication qui va encadrer ça. C'est-à-dire que le cadre, tu sais, vous achetez, je sais pas, la gomme balloune, vous en prenez 10 livres. 10 livres de gomme balloune, là, mettez-vous les mains comme vous voulez, là, ça tiendra pas, là. Vous allez sortir une échappatoire. Il vous faut un sac pour mettre ça dedans, hein. Il vous faut un contenant. Mais la communication, c'est le contenant de vos actions. Puis, si une personne a un problème de communication, donc un problème de raisonnement, là, de pas être capable de laisser l'autre l'idée une information, l'idée une présentation de son idée ou de son concept, peu importe. Là, c'est jamais... Ça, c'est le sac qui déchire. Il n'y a pas de possibilité de prolongation, il n'y a pas de possibilité de développement dans l'échange. J'en rencontre beaucoup en consultation des gens qui ont des problèmes de couple. Puis le problème, il apparaît dans la sexualité, il apparaît dans l'argent. Mais quand on remonte un petit peu, ça apparaît dans le centre décisionnel. Il y en a un qui veut tout décider, puis qui laisse pas l'autre prendre une décision. Bon, vous allez dire, rendu à la décision, ça veut dire qu'il y en a un qui veut s'exprimer, puis dire, c'est comme ça que je veux faire ça. Si quelqu'un empêche l'autre de décider, c'est quand quelque part, il l'écoute pas. Fait qu'on revient toujours à la source de l'échange qui est de l'écoute. L'écoute, c'est absorber l'énergie de l'autre, c'est absorber ses idées, c'est absorber son électricité, c'est absorber son évaluation qu'il fait de lui-même, Parce que des fois, les gens, ils veulent parler strictement pour se faire entendre dans un questionnement qu'ils vivent intérieurement. Ils se posent des questions, ils réfléchissent beaucoup. Puis là, dans la réflexion, là, ils deviennent comme obsédés. Puis cet effet d'obsession-là, ils veulent s'en sortir, puis ils ont besoin de le parler à d'autres. Il y a combien de gens que j'ai eu en consultation que je m'assis une heure, puis ils parlent trois quarts d'heure, puis ce qu'ils veulent, c'est juste être écoutés, entendus, avoir un feedback de temps en temps pour voir que je suis bien en conversation avec eux autres. Puis au bout de trois quarts d'heure, ça fait tellement bien. On a l'impression que faudrait qu'ils tirent la chaîne, puis tout y passe. Parce que c'est un flush. Ils flushent une tension de réflexion. C'est de la grosse, grosse réflexion qui doit se libérer. Dans une rencontre, une personne qui n'a pas d'écoute, donc qui coupe votre conversation en plein milieu de ce que vous parlez, ça, c'est un symptôme de tension éventuelle sur une guerre de raison. Je vous donne des trucs. Tu les enregistres. Sinon, ça va être quatre fois. Fait que, là, on a fait le tour de pas mal d'affaires. Une personne, c'est un événement. Faut être spontané. Faut faire bien attention pour pas tomber dans le jeu de la mémoire en se rencontrant. Donc, en tombant pas dans le jugement puis l'évaluation. Là, on va différencier les femmes des hommes. Bon, une femme, physiquement, c'est différent, puis curieusement, c'est différent aussi psychologiquement d'un homme. Une femme, elle vient au monde avec 3-4 000 ans de conditionnement. OK? On est d'accord là-dessus? 3-4 000 ans de conditionnement. C'est quoi le conditionnement que la femme a à vivre? La prise en charge. Parce que dans le temps des grosses messues où le gars allait chasser le dinosaure, quand la femme est enceinte, il fallait qu'elle reste au home parce qu'elle était vulnérable pour les événements des animaux féroces qui pouvaient la bouffer tout rond. Puis le gars avait la fonction extérieure de protéger le nid. Okay? Vous avez dit, je remonte loin, là. Mais il faut partir du début. Puis jusqu'à les années 40, 50, l'homme avait toujours la fonction de pourvoyeur, puis la femme, ben, d'élément régénérateur, donc de gardienne de la famille, puis de l'équilibre. Ça a changé beaucoup dans les années 50. La femme s'est dit, bon, ben, moi, je voudrais participer un petit peu plus au pouvoir décisionnel. Je voudrais avoir un traitement différent. Si vous vous souvenez plus de comment ça se passait, allez en Irak, allez en Afghanistan, allez dans les pays arabes, vous allez voir que ça, c'est ce qui nous autres, on vivait en 1800, puis que les autres, ils vivent encore. Mais disons qu'au Québec, les femmes ont l'avantage, la priorité, même, on pourrait dire, internationale, d'avoir une liberté que très peu de femmes européennes, très peu de femmes, même américaines, dans certains cas, pas colonies, mais certains États, ont, dans le sens qu'ils ont un droit de parole, ils ont un droit de vote, ça va de soi. Mais ils ont surtout une capacité dans l'intimité de faire le point, puis de se révolter, puis d'avoir accès à la colère. Ce qui bouleverse beaucoup, beaucoup la façon de faire des hommes dans des rapports privés. Bon, c'est nouveau, mais il reste toujours que les gars, c'est un peu comme une piscine. Ça se réchauffe lentement, puis ça se refroidit lentement. Puis la femme, elle, on dirait qu'elle a juste un bain à réchauffer, ça va plus vite. Fait, c'est vite une femme pour un gars, star. C'est vite, là, il y a vite, tu te fais pas pogner, tu restes seul, puis t'es vite à rentrer dans la relation parce que tu penses que t'as trouvé le bon. Des fois, c'est le bon, mais c'est que c'est long à ce qu'il réchauffe sa piscine ou c'est long à refroidir sa piscine, tu sais. Puis les femmes sont vite, donc pas tout à fait patientes aujourd'hui. Tu me feras pas revivre ce que j'ai vécu avec mon ex. Oh boy. Le gars dit, ton ex, excuse-moi, là, mais j'ai pas vécu une copie conforme de ce gars-là. Moi, j'étais obligé de vivre avec ce que je suis. Puis là, ben, on a des femmes qui ont écouté Jeannette Bertrand, qui ont lu son livre, qui est excellent, puis qui disent, les hommes doivent changer. Ben oui, les hommes doivent changer. Lui aussi, il a 4000 ans de conditionnement, là. C'est slow, un gars. Surtout un gars qui pense qu'il a raison. Puis un gars qui est assis, là, réellement, sur le pouvoir que la société donne à l'homme. Ça, c'est encore plus lent à réchauffer la piscine. Ça, il est au toile solaire, ou je sais pas trop, mais en tout cas, c'est long. Et là, la femme, elle dit, écoute, moi, t'es en train de me faire manquer ma vie, là. Je suis à mes 40 ans, ben sonné, j'ai le goût de vivre, moi, là. Ben, c'est ça, vie, ma grande. Je dis, moi, changer à la vitesse que je peux. Là, vous êtes pris. Là, c'est une autre affaire importante. Prends ça dans ton cahier. Le différentiel de rythme d'évolution. Il y a un différentiel. Un gars, ça évolue pas vite. Ça analyse. Ça check, ça influence son millage au galon. Son char. Il regarde son budget. Comment ça coûte une femme par année? Ça check bien plus que vous pensez. Là. Parce qu'un gars, ça prend du temps. Vous allez dire, oh, mais il y en a qui font de l'effort. C'est vrai. Mais ils vont toujours, dans l'effort qu'ils vont faire, calculer qu'est-ce qu'ils engagent dans l'échange. Puis vous autres, gazeuses comme vous êtes, qui allez voir des films, là, puis que c'est romantique, là. Moi, je vous regarde, vous êtes des parfaites brebis pour des loups qui sont naturellement carnivores. Et puis, je me dis, bon, comment est-ce que la femme va pouvoir changer de brebis à loup? Il y en a qui ont du mordant, là. Ils ont du lynx dans le corps. Fait qu'ils font face aux loups. Ils ont une capacité de se battre, mais c'est pas naturel. Le gars, lui, c'est naturel calculé. La femme, c'est pas vraiment naturel. Elle apprend à compter. Il y en a qui arrivent à compter pas mal bien. Mais maudit qu'ils ont souffert pour pouvoir vivre cette espèce de capacité de lire que le gars, il mesure tout le temps. C'est-tu un défaut pour le gars? Ben non. Vous le savez, tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y a pas de défaut. Il y a juste du monde à changer. C'est quoi l'avantage d'un gars qui calcule tout le temps? S'il calcule avec vous, pas contre vous, bien important la nuance, s'il calcule avec vous, il va vous protéger pour le futur. Parce que si le gars, il compte pas avec toi, c'est sûr que c'est contre toi. Faut que le gars, il compte avec. Faut qu'il t'inclue dans sa comptabilité. Là, vous êtes safe. Votre collègue. Ça, c'est un gars qui vous aime. Je dis, ah, écoutez, qu'est-ce que vous faites du romantisme? Le romantisme, là, c'est la période de promesse. Vous êtes dans une zone de promesse. On se promet quelque chose. Puis, les politiciens aussi, ils promettent beaucoup de choses, puis ils se rendent compte une fois qu'ils sont au gouvernement que c'est très difficile de tenir ses promesses. Puis que dans une situation de survie extrême, faut jamais que le chacun pour soi s'applique contre le couple. Fait que, je disais à une petite fille après-midi là, qui était super cute, je dis, écoute bien là, toi des hommes, tu vas en avoir atteint comme ça. Puis, il va toujours falloir que tu saches que le gars, faut qu'il t'aime, pas qu'il te désire, qu'il t'aime plus que tu l'aimes. Déjà que t'es passionné, fait que le sexe n'aurait pas de trouble. Fait que, mesure pas ta relation sur le sexe. Mesure la relation sur la capacité d'engagement, puis la force de construction du gars. S'il est réellement capable d'enclencher une construction solide, puis de, tu sais, réellement mettre ce qu'il faut pour que ça dure, là, t'es correct. Mais si tu te fies juste aux femmes, les femmes sont beaucoup plus engagées que les hommes. Puis c'est une situation qui demande chez l'individu d'être perçu comme, appelez ça une fatalité ou une destinée. C'est-à-dire qu'une femme, dans sa logique, si le gars de l'allure, si ça fit avec ce qu'elle a comme sécurité, en d'autres termes, si le gars la sécurise, un willing de s'engager sur du long terme, c'est naturel. Tandis qu'un gars, ça peut facilement être une opportunité. Puis pour qu'il se dépasse dans l'affaire de l'opportunité, dans le sens de tirer avantage de la relation, faut absolument qu'il se crée un contrat avec lui-même. Puis le contrat avec lui-même, faut qu'il soit basé sur une très, très, très forte motivation. Puis oubliez pas, là, c'est pas des gars qui sont méchants, là. On parle de bons gars. Des bons gars, ils ont besoin de se faire un contrat avec eux-mêmes pour garder une situation d'engagement à long terme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que un couple, ça se teste dans la crise. Ça se teste pas quand ça va bien, là. Tu te rends compte, t'as 20 ans, t'es cute, t'es deux bords, t'es bien habillé, t'es ci, t'es ça, t'as des espoirs. Ça va bien. Mais il arrive à un moment donné, la femme tombe malade, ou le gars tombe malade, puis il faut, là, vouloir à deux encore. Puis vouloir à deux, c'est pas évident, là. Tu viens pas au monde à vouloir à deux. Tu viens au monde à vouloir pour toi. Fait que tout le monde est égocentrique, femme ou homme. On est tout seul quand on vit au monde, on a nos parents, c'est sûr, mais l'état de dépendance qu'on a, on cherche à s'en libérer toute notre vie. Ça veut dire qu'on est rendu à 17, 18, 19 ans, tout est pensé pour se sortir de la dépendance. Donc, un couple, en principe, c'est une forme de dépendance, ou bien c'est perçu comme une construction. tu ne dépends pas de l'autre parce qu'on peut vivre seul, ça se fait. D'ailleurs, c'était ma question quand j'ai sorti de mes trois relations, bout à bout, pas ensemble, évidemment, c'est pas vivable, trois de fil. Puis c'était, je vais-tu dépendre du couple? Puis là, plusieurs années plus tard, je dis non, on ne dépend pas de quelqu'un. Mais on a besoin de quelqu'un. On a besoin de la présence de quelqu'un, puis on a besoin, pour se construire, d'une sorte de dialogue, d'échange, qui permette de se voir à travers les yeux d'un autre. Parce que se voir à partir d'une réflexion, c'est pas assez. Il faut que les gens soient capables de se voir à partir d'une mesure, d'une perception qu'un autre se fait. Ça, c'est vital, c'est essentiel. Vous avez souvent, quand vous n'avez pas de coup, vous avez beaucoup d'amis, justement pour avoir cette forme de présence. Puis c'est pas nécessairement de l'affectivité, mais une sorte de dynamique d'énergie pour comme réveiller votre cerveau pour être capable de vous adapter aux pressions et aux tensions sociales. Donc, quand je dis que les gens, surtout les femmes, ont besoin de sentir que le gars est réellement constructeur, bien, c'est dans sa mécanique naturelle de prendre en charge, bien que ça change aujourd'hui, parce que je regarde les jeunes, puis c'est moins évident l'affaire de la prise en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, comment ça fait que nous autres, là, 40 ans et plus, on prend en charge naturelle, puis que les jeunes, eux autres, se déresponsabilisent? Bien, c'est que pour un gars, si c'est pas acquis, la relation, s'il a pas fait un contrat avec lui-même, la relation est temporaire. Fait, pourquoi prendre des responsabilités sur quelque chose qui va finir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? C'est-à-dire que plutôt que de s'investir dans une projection de construction, il s'enligne plus sur une relation basée sur une exploitation des ressources d'un et l'autre, temporaire. Et il se dit, ben, si ça finit dans 5 ans, ben, je vais avoir vécu ça. Ça devient je tout seul, plutôt que de nous allons vivre ça. Parce que pour mettre du « nous allons vivre ça », il faut se faire un contrat. Pas un contrat avec l'Église, ces affaires-là, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est facile à défaire. C'est un contrat réellement avec soi-même. Les deux individus, là, c'est pas dire on se promet ça, lâcher les promesses. C'est réellement individuel, c'est un contrat avec vous-même. C'est quelque chose qui doit se faire avec une force, qui va avec une ligne de conduite, puis plus qu'une culture. C'est réellement plus qu'une culture. Une femme, là, quand elle a un enfant, là, c'est sûr qu'elle est à contrat. Faut que dans la tête du gars, là, ça soit aussi sûr d'être en couple qu'une femme a un enfant. Je sais pas si vous voyez la mesure. Tu sais, le bébé sort, là, à l'hôpital, là, puis on fait pas signer un contrat de permanence entre la mère et le bébé. Tu sais, c'est la mère, elle l'aime, son petit. Elle a assez bébé à l'accouchement, là, dit, moment d'occuper. Puis si elle peut pas s'en occuper, c'est carrément parce que la vie se met contre, là, mais elle, naturellement, elle va s'en occuper. Fait que le gars, lui, il faut que ça soit naturellement, il va s'en occuper. Je mets bien gros le fardeau du couple sur le dos du gars. Parce que je sais que c'est plus facile pour le gars de se libérer d'un contrat que d'une femme de se libérer d'un contrat avec son enfant. Un enfant dans la vie d'une femme, c'est un gros, gros moteur. C'est un gros engagement, puis c'est pas un engagement négociable. Puis le gars, lui, tu le regardes dans la vie, on dirait qu'il peut tout le temps négocier, lui, s'il veut une famille, il veut pas de famille. Il y a une femme qui a un enfant, c'est pas grave, je peux divorcer pareil. Tant que vous pensez que vous pouvez négocier, vous êtes un drôle de tracking. C'est bien, bien dangereux. Là, vous allez dire, ouais, mais là, une minute, là, dans une rencontre, on peut tout le savoir. Ce que vous pouvez savoir, c'est si vous bullshittez. Si vous faites de la bullshit, êtes-vous capable ou non de vous engager? Sans ça, c'est de la crouse pour le sexe, là. Puis des raids de discussion là, pour compter vos petits problèmes. Vous avez besoin d'un thérapeute, vous voulez pas payer trop cher, puis vous en trouvez une poirotte là, qui va vous pomper tout le venin puis le malaise de votre dernière semaine. Là, puis ça, c'est... En tout cas, ça se vit comme ça se vit, mais vous serez averti, ça c'est un point. Mais le point qui est le plus important, c'est de savoir, surtout les gars, si vous avez une capacité d'engagement, puis mesurez ça, les gars, sur le fait qu'une femme, quand elle a un enfant, c'est pas négociable. Fait que si vous êtes capable de négocier votre relation, il vous manque une coche. Tu choisis pas ton enfant, hein? Il vit au monde, le karma qu'il y a, puis le destin qu'il y a, là. T'es obligé de stander ça pendant 25, 30 ans, 40 ans. Fait que la même chose. Vous rencontrez une femme, c'est pas si elle est comme ça, puis si elle vieillit pas, puis si, tu sais, si. Non, il n'y a pas de si là-dedans. Tu clenches ou tu clenches pas. C'est pour ça que tu peux pas en avoir 40 chums dans la vie, là. T'en as 2, 3, 4. À 4, là, C'est parce que t'as pas compris quelque chose, tu sais, fait que... Puis les gens qui disent, ah, moi, j'en ai rencontré 240 cette année. Wow! Quelque chose, ça, là. Ça, c'est un super service de location. C'est beau. C'est vrai que les gens ne sont pas habitués à s'engager aujourd'hui. Ça, je comprends ça. Mais je comprends que dans la vie, c'est une somme incroyable de petits contrats qu'on fait pendant des années. C'est plein de choses dans la vie dans lesquelles vous vous engagez pour le travail. Vous vous engagez souvent à Noël d'être là chez vos parents, au moins pour une heure. Vous vous engagez sur une multitude de choses dans la vie. Je vois pas pourquoi qu'une relation, ça serait plus compliqué. Je vois pas pourquoi être à deux, ça serait plus compliqué que de s'engager, exemple comme moi, là, à signer des contrats dans une salle pour les 6 prochains mois. Quand je vais travailler à l'hôtel, moi là, Châteauneuf, je suis obligé de louer mes salles jusqu'au mois de juillet. Et puis, c'est un engagement. Il y a plein de choses dans lesquelles on s'engage dans la vie, puis ça fait partie de la norme. Pourquoi qu'on trouve ça normal? Ben, c'est parce que l'engagement qu'on fait sur des choses qui nous rapportent au niveau financier, au niveau mécanique de vie, quoi que ce soit. Des fois, c'est, tu vas dire à ta sœur, je vais être là en fin de semaine. Qu'est-ce qui peut te garantir que tu vas être là en fin de semaine? Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer en 3 jours. Mais tu t'engages. Puis tu vas tout faire. Tu vas même t'énerver si t'es pris dans le trafic. Tu dis, je vais être en retard. Faut que ça soit aussi énervant, dire, je vais aller rencontrer Jean-Pierre. Tu sais, faut ça, normal ça. Mais non, les gens, ils sont directs qu'un engagement, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que, bon, ils sont pas engagés. Ça, là, m'a dit, moi, si j'aurais un doute que c'est la bonne personne, que c'est pas la bonne personne, je le dirais à l'autre. Écoute, je pense pas que tu es la bonne personne. Ça se dit, ça? Puis l'autre, il part à pleurer. T'es vraiment pas la bonne personne. C'est comme ça que je vois ça. C'est vrai, la peur de l'engagement? De quoi vous avez peur? C'est du monde. Le plus gros problème, c'est la mémoire. Votre plus gros problème dans vos rapports avec les gens, c'est le souvenir que vous avez d'une relation qui vous a fait mal. Il y a une multitude de choses qui nous font mal dans la vie, puis c'est pas nécessairement applicable à une relation intime. Vous avez un patron qui vous met à la porte, là, ça fait mal. Mais ça, c'est un bon test, le voyage. Si vous voulez vraiment vérifier votre relation dans les débuts, là, partez en voyage avec. Si c'est un cauchemar, ben vous allez le savoir tout de suite. Puis si ça va bien, le voyage, là, c'est une bonne mesure de qu'est-ce qui va se vivre dans le quotidien. Parce qu'en général, quand on est pris en voyage, là, toutes les bébites sortent. À cause du fait que t'es coupé du téléphone, t'as pas de point de fuite dans un voyage. En voyage, en tout cas, quelqu'un qui réussit à se cacher en voyage, parce qu'il voyage beaucoup. Puis il y a bien des trucs. Parce que ça revient toujours à une affaire de présence, hein. T'es avec quelqu'un pour vivre de la présence. Ça, c'est le moteur principal. Ça. Si l'autre a de l'attention pour ta personne, et non pas des tensions avec ta personne, c'est cette attention-là que t'as de la personne vers toi qui va donner la mesure de sa capacité de s'engager. Parce que quelqu'un qui ne te donne pas d'attention, il y a un paquet de petits gestes qui font que... Tu sais, c'est pas être au service de l'autre, mais c'est être attentif à ce que l'autre a comme difficulté que t'aides à régler, tu sais. Faut que tu t'occupes de quelqu'un. Mais moi, comme je dis, je suis vieux, je peux pas donner mon modèle de relation... Une femme qui cherche juste de l'affection, c'est une petite fille. Tandis qu'une femme qui cherche de l'enveloppe, de la présence, comme un homme, parce que le gars, il en veut de la présence puis de l'enveloppe, là. Tu sais, faut pas penser qu'on est si tough que ça. Là. On n'est pas si tough que ça. Là. Fait que une femme, là, ça améliore bien gros la vie d'un gars. Puis ça a l'air de rien faire, mais ça en fait énormément. Là, ça reste propre, une femme, pas d'homme. Ouais, c'est plus organisé, c'est plus structuré. Une femme seule, c'est prouvé scientifiquement, c'est capable d'apprendre la solitude plus qu'un homme. Ça c'est prouvé. Un gars tout seul, il a beaucoup plus de difficultés à se structurer et s'organiser. Il dégrade son mode de vie plus rapidement. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient célibataires. Je parle pas en vie privée, là, mais je parle en consultation, là, puis c'est des femmes qui ont un sens très, très, très profond de l'ambiance. Ils savent se créer des ambiances de vie qui dégradent pas leur équilibre de vie. C'est pas rare de voir des femmes qui ont des petits jobs à 15, 20 000 par année, là, et puis que tu vas chez eux ou tu rentres dans leur vie personnelle, là, puis ils ont un excellent mode de vie. Excellent mode de vie. C'est des femmes qui restent équilibrées dans leur intimité, puis ces choses-là. Ils veulent un homme, mais ils sont capables de composer avec leur solitude. Je parle au niveau de la forme, au niveau de la structure, d'une façon plus équilibrée. La femme, elle reste plus organisée. Beaucoup plus organisée. Le gars, lui, il est tellement axé sur l'extérieur, il est tellement axé sur une certaine performance de vie que il néglige ça. Moi, ça m'a pris des années avant de revenir à me structurer à l'interne, là. D'ailleurs, j'ai rentré des chats pour me garder à la maison parce que si j'avais pas de quoi pour me dire, faut que tu retournes à la maison, la litière est pleine, là, j'aurais peut-être parti sur des go d'une semaine, une affaire de même, là. C'est plus nomade un gars, là, quand tu te ramasses tout seul. C'est pas un défaut, là. Nous autres, on n'a pas un défaut. On a juste des choses à changer, là. Mais le point que je veux faire, c'est que une femme, faut que tu sois disponible. Et que là, disponible, en voulant dire, si tu pars 2 semaines en voyage, faut que tu penses que tu es avec elle, faut pas que tu penses à la job. Non, j'ai pas dit que l'homme avait de la misère à s'engager. J'ai dit qu'aujourd'hui, les hommes, faut qu'ils fassent un contrat avec eux-mêmes pour réellement s'enclencher dans une relation. C'est pas une affaire de promettre à une femme quelque chose. Tu peux pas promettre à quelqu'un quelque chose. Faut que tu fasses un contrat avec toi-même. C'est très égocentrique, un homme. Moi, je suis un homme, je connais la femme, ça a pointe de mes doigts, et je sais profondément que je suis égocentrique. Totalement égocentrique. Moi, exemple, je te donne un exemple, là. Une femme, dans ma vie, faut que je sois capable de la gâter. Même si elle me dit non, non, non, non, ta présence suffit, je crois pas à ça. Faut que je sois capable de faire vivre une vie là qui réellement là qui a pas de stress de survie. Si je suis pas capable de faire ça, je fais pas de contrat avec moi-même. Ça c'est moi c'est ma façon d'être honnête là. J'ai pas dit que les hommes d'aujourd'hui étaient comme ça. J'ai dit les hommes pour qu'une femme puisse se fier dessus, c'est faut qu'elle soit avec un gars qui est capable de faire un contrat avec lui-même. Pour s'engager. Faut pas que le gars, il dise à la femme, je te promets que je vais être de même. Ça marche pas, ça. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Parce que sans ça tombe dans l'opportunisme, là. Parce que, tu sais, je pourrais vous en présenter plein de bons gars. Mais si le gars, il allume pas, là, même si je sais que ce gars-là, il est honnête, il est si, toutes les qualités que vous voulez, là. Parce qu'il y en a plein de femmes qui rencontrent des gars qui ont plein de bonnes qualités. Mais le gars, il fait pas le contrat. Avec lui-même. Il va juste faire des promesses. Ça fait pas 2 ans, ça va. Puis tu sais, des fois, je me dis, je pourrais partir à une agence de rencontre. J'ai tous les gadgets électroniques pour faire les calculs entre telle affaire, qui va faire que telle affaire va bien marcher avec telle affaire. J'ai des logiciels de compatibilité que j'ai faits, là. C'est merveilleux. Tu peux pas te tromper avec ça. Puis la game est pas là-dedans. Parce que j'en ai essayé de matcher du monde ensemble. J'ai même essayé de me matcher avec ma machine. Puis fuck! Faut que ça punch en dedans, là. Faut que tu dises ouais, j'y vais, là. Puis si t'es pas capable de dire oui, j'y vais, ben. Tu sais, tu rencontres un gars, mettons, qui a 15 ans plus jeune que toi. Il veut une famille. Toi, t'es à l'âge de penser à la retraite. Tu dis, bon, ben, je sais pas, là. Je ne rendrai pas service si je reste avec. Mais il est fin. Garde-les comme amis. Il y a plein de monde qu'on flush parce qu'on ne peut pas les avoir, les posséder, les contrôler. Mais c'est plein de monde qu'on pourrait garder dans nos vies pour avoir des bons échanges, des bonnes relations. Moi, il y a plein de femmes avec lesquelles je m'entends super bien. C'est un coup de téléphone, même à 2 h du matin, on va aller prendre un café. Mais non, les gens, ils veulent avoir le contrôle. Je te possède, je te mange, je te digère. Mais c'est, je te chie aussi, tu sais. Moi, je trouve que vous en demandez trop d'une personne. qui est dans une période, si tu veux, des fois d'intégration ou d'ajustement. Tu sais, il y a tellement de monde qui ont des problèmes de survie au niveau financier, là, puis qu'ils ont toutes les misères du monde à rester sa job parce que c'est dur avec le patron, c'est dur dans le milieu de travail, surtout s'ils sont dans le textile, là, les Chinois le rentrent dans le corps. Fait que, là, à un moment donné, tu arrives, puis là, il faudrait encore que tu t'occupes du problème de « je vais-tu matcher avec lui? » Hey, minute, là. Le gars, il match pas, that's it. Là, elle va arriver sur la job, puis là, les filles vont être bien trop difficile. On parle toujours du principe que c'est le gars qui est responsable du couple. Il n'y a pas une femme qui peut faire un couple en voulant aimer le plus pour deux. Oublie ça, là. Tu vas vivre une torture de rejet épouvantable, là. Mais c'est pas une femme qui fait le couple, c'est le gars qui fait le couple. Une femme là qui s'acharne à garder un homme là parce qu'elle vit de la possessivité puis c'est puis ça, là, elle se fait souffrir beaucoup. Puis elle devient très agressive, très amère. Elle passe d'une belle lèvre sensuelle à une lèvre de mince là. C'est ça. Mais acharnez-vous pas. Un gars veut pas, il veut pas. Puis s'il veut pas, ben tu sais, je comprends que vous avez besoin de vivre votre romance, là, mais allez voir des films à la place. Le rejet, là, tu t'habitues pas à ça. C'est comme, moi, je fais de la bourse avec ben de mes chums, là, comme lui, là, on fait de la bourse, puis on s'habitue pas à perdre. Tu sais, 2 ans, 3 ans plus tard, tu vis une perte de 2 000 à 3 000 $, ça fait toujours mal. Il y a pas de, tu te cuirasses pas contre la perte, tu te cuirasses pas contre le rejet. T'apprends à composer avec, t'apprends à développer une psychologie pour composer avec, mais le rejet, je vous le dis tout de suite, c'est une affaire de contenance. Quelqu'un qui vous contient pas, il va vous rejeter, ça c'est automatique. Faire un contrat avec soi-même, c'est comme dire, peu importe ce qui va arriver, je vais rester au bas. Je vais rester engagé. C'est parce que les gens, ils veulent, en général, les gens, ils prennent juste le positif d'un échange. Puis quand le négatif arrive, ils sortent. Tu sais, quand tu signes pour un auto, là, si tu te fais poquer le bumper en arrière, là, t'en changes pas, hein. Tu gardes le véhicule. Puis, tu sais, partez toujours du principe que les gens, c'est des bonnes personnes, mais qu'une bonne personne, c'est pas nécessairement quelqu'un qui dispose d'une colère pour faire ce qu'il fait. Les gens veulent plus que ça. Les gens veulent construire ensemble. Ils veulent se développer ensemble. Ils veulent avoir une personne que dans 10 ans, la personne est capable de référer à une expérience qu'on vécue ensemble. Ouais, mais tu sais, la société n'est pas parfaite, hein? Donc, moi, je ne juge pas une société. Je regarde ce que je peux faire pour l'améliorer. Parce que si on passe son temps à regarder les problèmes, ben, on ne met pas notre mental en focus sur la solution. Oh, ça, je le dis, là, mais tu sais, je vais te donner un système parfait à la bourse, m'a dit, va l'appliquer pour le fun. Tu vas voir que c'est l'application qui est le problème. Hein. C'est facile les mots, là, mais quand tu arrives dans le jus, là, ça dit que c'est du travail au quotidien, ça là. Du monde qui joue bien au tennis, on peut en trouver, mais du monde qui sont professionnels, ça, c'est une autre affaire. Pour un couple, quand tu rentres en couple, il faut que tu sois professionnel. Sinon, tu es en exploration tout le temps. Comme tu viens pas au monde professionnel du couple, c'est sûr que ta première relation, c'est une relation qui va être difficile parce que tu vas tout apprendre dedans. OK? Puis, des fois, il en faut plus qu'une. Mais tu sais, on part du principe que les gens ont pas trop de relations, là. Puis, c'est sûr qu'une première relation, c'est une grosse école. Puis, des fois, la deuxième, la troisième. Mais il y a une chose qui est certaine, si vous êtes capable de prendre le fait de vous former ensemble, puis après ça, de vous donner confiance que quand ça va cogner dur, vous allez prendre le temps de vous expliquer, puis de vous ajuster, puis c'est ça. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de cas de relations où ils ont eu des aventures. Mais tu sais, ils avaient commencé ensemble à 17, 18 ans, puis tu sais, il y a toujours l'affaire de voir si le gazon vert du voisin, ça serait pas meilleur que le sien. Bon, ben, tout le monde vit ça, puis là, à un moment donné, l'autre, il dit, par souci d'honnêteté, il dit ça à sa femme, ou sa femme dit ça à son chum, puis là c'est une bombe souterraine, là, tu sais, qui fait un champignon par en dedans. Donc là, ils viennent me voir, ils me disent, bon, ben, comment je peux refaire confiance à l'autre? C'est juste ton ego qui est égratigné, bonhomme, va te refaire faire une peinture, puis ça va bien.